Voici le résumé de l'entretien du porte-parole du comité central de l'Union des cinéastes coréens en date du 19 courant. À l'heure actuelle, nos cinéastes sont fort indignés contre la bande des traîtres de Bakune, maniaques de confrontation fratricide qui produisent des films anti-république populaire démocratique de Corée. À la suite de la prise du pouvoir, la bande de Bakune a dépensé d'énormes fonds perçus à la population au nom d'impôts pour mettre en scénario et produire un grand nombre de films calomniant à tort et travers notre système et suscitant la confrontation fratricide. Ces dernières années, elle a produit les films justifiant la provocation armée et l'agression téméraire des États-Unis et de la Corée du Sud contre notre République et fomentant le climat de guerre tel que le combat maritime à Yeonpyeong et l'opération de débarquement à Incheon. Voir, il y a les films qui dénaturent absurdement notre système politique et la vie heureuse de notre peuple pour nous calomnier aveuglément. Récemment, Bakune a livré l'avant-première de film avec ses hommes et joué la comédie tout en parlant de collecte de fonds et de remise des stadins en vue de rehausser l'intérêt social sur la fabrication des films anti-nord-coréens. Elle a même rendu obligatoire la projection de ses films dans tous les cinémas. La production et la projection des films réactionnaires des maniaques de confrontation fratricide qui sont habitués à la fraude et à l'escroquerie est une insulte impardonnable contre nos cinéastes porte-parole de la vérité et une provocation intolérable contre notre République. La production des films anti-nord-coréens à l'encontre du courant de l'époque vise sournoisement à fomenter l'hostilité et la méfiance envers les compatriotes au sein de la population sud-coréenne afin de justifier la politique de confrontation. Que la bande de Bakune sache correctement qu'elle ne pourra en aucun cas empêcher l'aspiration croissante de la population à la réunification et sa sympathie envers notre République. Les cinéastes sud-coréens doivent savoir correctement la nature de la bande des traîtres au lieu de prendre part à la fabrication des films antagonistes de Bakune et s'acquitter de leurs missions et devoirs assignés devant l'époque et la nation par leurs activités de création juste, favorables à la réconciliation et à l'unité de la nation.